Dossier 7. Vers le DELF A2. Compréhension de l'oral. Lisez les questions. Écoutez le document deux fois, puis répondez. Tu vas à la soirée chez Stéphanie et Mehdi demain? Oui, bien sûr. Ça va être sympa. Au fait, tu apportes quoi? Un dessert. Je vais faire une tarte aux pommes. Bonne idée. Moi, je ne sais pas trop. Sans doute un bouquet de fleurs. Stéphanie sera contente. Elle aime beaucoup les fleurs. On sera nombreux? C'est un dîner chic? Ils ont invité beaucoup de copains. Ce sera un buffet. Bon, super. Je suis pas obligée de mettre une cravate. Ah non. Tu viens en jean et chemise. Ce sera très bien. On peut y aller ensemble? D'accord. Rendez-vous rue de la République, devant la boulangerie. À 19h30? Très bien. À 19h30, devant la boulangerie de la rue de la République. À demain.